Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net. Nous sommes le mercredi 20 novembre, 25 novembre, oh là là, ça passe vite. Et il est 20h. Bienvenue pour votre émission Musique Live. Rappelez-vous, la musique est vivante, alors sortez et écoutez-la, regardez-la vivre en live en allant à des concerts, que ce soit dans la rue, au bistrot du coin, ou alors dans des salles de spectacle et des festivals. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire d'un concert devenu mythique, celui d'Eric Clapton de 1992, intitulé sobrement « Une plug », débranché en français. Et vous saurez vite pourquoi au fur et à mesure de l'émission. Une belle histoire avec des morceaux inédits jusqu'à ce jour. Allez, on y va, générique Eric. Nous sommes fin 91. Eric Clapton est dans une situation professionnelle et personnelle très très compliquée. Bien sûr, il reste un des plus grands guitar-héros que l'on connaît, Dieu même pour certains depuis les années 70, mais malgré ses succès, beaucoup de concerts, trop peut-être, quelques récompenses, sa carrière est un peu moins en lumière qu'auparavant. Il ne retrouve plus les sommets des charts comme avant avec les I Shot the Sheriff, Cocaine, You're Wonderful Tonight et tant d'autres. Son dernier album est jugé bon, mais peut mieux faire. Il essaye aussi de se sortir de sa dépendance à l'héroïne depuis tant d'années, mais compense le plus souvent par une addiction à l'alcool, ce qui n'arrange rien. Et le pire qui pouvait lui arrive, c'est ce terrible 20 mars 1991, la mort de son fils unique Connor, âgé de 4 ans, qui va accidentellement chuter du 52e étage d'un immeuble à New York en jouant avec sa nounou dans l'appartement de sa mère, Laurie Del Santo, une actrice anglaise qui est présente cet après-midi-là et qui se prépare pour une sortie en famille avec Eric pour amener Connor au zoo. Eric Clapton est complètement ravagé de douleur, de regret, de culpabilisation. Alors qu'il travaille sur la musique d'un film Rush. Il va alors complètement se replier sur lui-même et ce, pendant de longs mois. En novembre, la célèbre chaîne de télé américaine musicale MTV lui propose d'enregistrer un concert, mais en acoustique, dans le cadre de son émission Unplugged à Londres. Un Clapton anéanti accepte malgré tout la proposition, même s'il n'a pas la tête à ça. Nous sommes donc le 16 février 92, au studio de Bray, au nord de Londres. Personne ne connaît la setlist, hormis lui-même et ses musiciens. Et quel musicien ! À la guitare, Andy Fairweather-Low, un écossais qui a joué avec Roger Waters, Joe Satriani, Linda Ronstadt et tant d'autres. Chuck Leavell est au piano, un américain qui a joué avec les Rolling Stones, George Harrison, David Gilmour et j'en passe. Nathan East, qui pour moi est le plus grand bassiste de tous les temps avec Marcus Miller, vieux complice de Clapton, ayant joué avec plus de 2000 artistes, allant de Stevie Wonder, Michael Jackson à Toto, Daft Punk, et même Cocorico sur un titre d'un album de Patrick Bruel. Steve Fearon, batteur anglais, un des plus admirés au monde, ayant joué pour Tom Petty, David Bowie, les Bee Gees, Michael Jackson et tant d'autres. Ray Cooper, enfin, un des percussionnistes les plus doués de sa génération, ayant joué aussi à peu près avec tout le gratin du showbiz mondial. Cathy Kissoun et Tessa Knight sont au cœur, elles aussi ont accompagné les plus grands. La team est en place, tout le monde est prêt, mais tendu en même temps. C'est un concert intimiste, il n'y a que 250 spectateurs, et c'est le retour de Clapton sur scène depuis le décès de son fils. Vous êtes prêts vous aussi? Alors c'est parti. Eric Clapton arrive sur scène avec ses musiciens, prend sa guitare acoustique et attaque par le titre « Shine », un instrumental. Le concert en acoustique est une première pour Clapton et son band. Tune up. D'accord. Vous ready? Yeah. Okay. La mayonnaise prend. Maintenant, il est chaud, mais on ressent quand même qu'on a malaise dans la salle, aussi bien dans la salle qu'en technique. Il poursuit avec Running on Faith, un titre composé pour lui par le grand Jerry Lee Williams dans l'album de 1989, Journeyman. On écoute ça tout de suite. One, two, three. Thank you. Clapton est dans sa bulle avec son groupe et ils sont tous autour de lui, très bienveillants. Il poursuit le concert avec Before You Accuse Me, une reprise de 1957 d'une chanson de l'immense Bo Diddley. Personne n'est dupe et comprend l'allusion avant que tu ne m'accuses. Someone else. I called your mama about 3 or 4 nights ago. I called your mama about 3 or 4 nights ago. Well, your mama said, son, don't call my. La suite reste dans ce contexte assez triste avec Whole Love, une composition de Clapton et du grand guitariste de blues Robert Cray. Là aussi l'allusion est claire, reviens mon vieil amour, rentre à la maison, je veux voir ton visage. Oh, rounds through my head, and it's making me so angry to know that the flame still burns. Oh, love, leave me alone. Oh, love, just go on home. See your face, yes, but I know it ain't real. Just an illusion caused by how I used to be. And it's making me so the flame will always burn. Flame will always burn. Thank you. Et voici le titre qui va arriver et qui va bouleverser le monde entier. Et ayant déjà assisté à des concerts d'Eric Clapton, ce titre-là est à vous glacer le sang, je peux vous l'assurer. D'ailleurs, lorsqu'il l'interprète, personne ne peut résister, les larmes coulent. Comment est-il possible d'avoir pu écrire cette aussi belle chanson? Il n'a d'ailleurs pas pu l'écrire seul. C'est un de ses amis, Will Jennings, un parolier américain qui a écrit tant de tubes pour Joe Cocker, Mariah Carey et tant d'autres, jusqu'à My Heart Will Go On, du film Titanic et de notre Sailing préféré, qui a pu mettre les mots pour ce refrain, hormis le refrain qu'avait écrit Clapton. Mesdames et messieurs, voici un chef-d'œuvre. No. y a un silence de glace qui se ressent dans le studio, la salle, et les applaudissements à la fin sont pleins de respect, d'émotion et de retenue aussi. Il poursuit le concert avec une reprise d'un de ses vieux titres, mais de cette manière si intimiste, en ralentissant le rythme original qui va lui donner une seconde naissance. Et toujours ce lien à l'amour impossible. Leila. Le public est absolument conquis. Eric Clapton poursuit les 14 titres prévus et le concert doit se terminer par une ballade rythmique musicalement joyeuse, comme un happy end malgré tout. puisque lui-même et tout le monde vont sortir leur casou et sourire un peu, enfin. San Francisco Bay Blues est une reprise de l'américain Jesse Fuller, composée en 1955 dans un style folk song. Allez, on écoute. Et vous pouvez sortir le kazoo aussi, ou kazoo. Et voilà, l'émission et le concert sont censés se terminer ainsi, mais Eric Clapton n'est pas franchement rayonnant de joie, et il a une attitude comme s'il avait encore besoin musicalement de parler. Et ça, on ne le sait pas dans le premier disque qui est sorti, on n'a pas toute cette partie-là de la soirée. Et Eric Clapton, dans son public, si vous voulez, on en fait encore deux ou trois. Alors évidemment, le public est aux anges, même si très respectueux et très ému. Alors le band se lance et ils ne vont pas en faire trois, mais cinq au final, avec donc que des inédits, notamment un titre qui ne va pas passer inaperçu, même si inédit, avec la chanson Circus qui raconte la dernière soirée passée d'Eric avec Connor, son fils, la veille du drame où il l'avait amené au cirque. Circus. Thank you. his eyes on fire and his smile so bright. In his hands are the toys you gave to fill his heart with delight. And in the ring stands a circus clown. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All you friends gather round because the circus left town. Sur Fadjet 94.2 et c'est l'histoire de l'album live d'Eric Clapton Unplugged que je vous raconte ce soir. Alors cette chanson, Circus, vous ne l'écouterez nulle part ailleurs. Il ne l'a jamais mis sur un album, il ne l'a même jamais joué à un autre moment sur scène. Il l'a remis dans sa grande malle de chansons et d'inédits qu'il a et qui doivent être... nombreuses, et il n'a plus jamais ressorti. Il poursuit avec un autre titre, une autre de ses compos, encore un inédit, encore au stade seulement de prototype à l'époque, puisque le single va sortir, mais seulement en 98, et dont ce sera la première et la dernière fois, là aussi, qu'il l'interprétera sur scène. My Father Eyes, les yeux de mon père. Ce père qu'il n'a jamais connu et fait le rapprochement avec ce fils qu'il n'aura jamais connu. Il va la jouer deux fois de suite, n'étant pas satisfait de la première version. Voici donc, c'est une exclusivité, vous ne l'avez entendu nulle part ailleurs, la version 2, sortie en France il y a seulement quelques mois pour les plus de 30 ans du concert, dans un coffret prestige. Father's Eyes. Thank you. cette chanson, parce que c'est un tube en ayant 45 tours. Voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Les caméramans et ingénieurs du son arrêtent leur appareil, mais Clapton reste sur scène. Il reprend la guitare et entame l'intro de Rolling and Fumbling, une chanson de 1929 composée par le chanteur-guitariste américain Hambone Willie Newburn. Le band se met à jouer, les techniciens remettent tout en route comme ils peuvent, ce qui explique que la captation ne démarre qu'au milieu du premier couplet, mais Clapton leur dit à la fin: j'espère que vous avez pu l'enregistrer, hein, parce que on n'a jamais fait une aussi bonne reprise que celle-ci. Encore un titre, elle est dit, c'est sur Fadjet. Les paroles dans ce contexte sont terribles. Eh bien, j'ai roulé, et j'ai chuté, et j'ai crié, surtout, toute la nuit. Et je me suis réveillé ce matin, ne sachant plus le vrai du faux. Come in, baby. un petit sourire et un salut au public et Eric Clapton sort de scène. Il n'est pas super satisfait de ce concert et ne souhaite pas qu'il sorte en album. Comme le font habitude Elmore, Warner et MTV. Warner hésite aussi, par pudeur, à en faire un disque et un CD. Eric Clapton dit d'ailleurs à son manager, je te parie à billets de 1000 livres que s'ils en font un disque, il ne se vendra pas à plus de 5000 exemplaires. Finalement, Warner décide de le sortir fin 92. À sa sortie, c'est un triomphe. Plus de 5 millions de copies vont partir en un rien de temps. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions d'exemplaires qui ont été vendus dans le monde entier. Et les singles Tears in Heaven et Layla ont été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Ce disque live restera plus de 28 semaines dans les charts aux États-Unis, en Angleterre, en Europe et en Asie, ce qui en fait l'album live le plus vendu de tous les temps. Il recevra pas moins de 5 Grammy Awards en 1993. Il se classe à la 53e place des plus grands albums de tous les temps, décerné par le magazine Rolling Stone. Un succès au point qu'une guitare acoustique d'Eric Clapton, qui était ce soir-là sur la scène, s'est vendue aux enchères pour une œuvre de bienfaisance à 800 000 dollars. Le manager de Clapton, lui de son côté, encadrera le billet de 1000 livres qu'il lui a remis à la suite de ce pari. Les retombées de ce concert et l'album vont permettre à MTV de démultiplier les adhérents et va pouvoir créer des MTV en Europe et en Asie. Trois Français aussi, l'année suivante, en 93, vont adapter l'idée pour en faire une émission de télévision. L'ingénieur du son Patrice Kramer, le réalisateur Gérard Pulicino et un jeune animateur Nagui vont créer ainsi le concept de Taratata en reprenant le titre d'une émission des années 70 animée par Jacques Martin. Voilà les amis, l'histoire de l'un des plus grands albums live de tous les temps. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous remercie toutes et tous et à toutes mes sources surtout qui m'ont permis de vous raconter cette incroyable histoire. Donc un certain Eric Jean-Jean d'une grande station de radio. Eric, je te salue et comme prévu, on se retrouve bientôt dans ton grand studio. C'est bientôt Noël, alors je vous donne trois belles idées de cadeaux pour vos proches admirateurs d'Eric Clapton, mais qui ne l'est pas. D'abord ce coffret dont vous venez entendre un extrait. 30e anniversaire prestige, remasterisé de l'Unplug d'Eric Clapton avec des inédits, un livret, des photos en triple vinyle à 79€. Un vrai bijou collector. Ou, plus simplement, la réduction double vinyle, vous la trouverez à partir de 15€. Ensuite, ce film incroyable sur la vie d'Eric Clapton, présenté par lui-même. The Life in 12 Bars, la vie en 12 mesures, que l'on trouve encore en DVD, avec une version sous-titrée en français d'une durée de 2h15, et je pense qu'on peut la trouver sur le net à partir de 9,90€. Mais faites vite, parce qu'il y a des collectionneurs qui la vendent déjà plus de 80€. Mais encore mieux comme cadeau de Noël, Eric Clapton sera en concert en Europe en 2026, hélas sans passer en France. Les endroits les plus proches seront à Anvers, en Belgique, le 26 avril, les places entre 125 et 150€, et à Mannheim, en Allemagne, le mercredi 13 mai, places entre 195 et 297€. Puis nos amis du Sud, eux, ils pourront le voir à Barcelone, mais j'ai regardé, tout est déjà complet. Voilà. C'est la fin de notre émission. On se retrouve le mois prochain, non pas pour une émission, mais deux émissions. La première sera le 24 décembre à 20h pour notre traditionnelle veillée de Noël. Et la seconde, ce sera le 31 décembre, même heure, pour une spéciale récap des grands concerts en France en cette année 2025 et rythmée pour vous faire danser. Belle soirée à toutes et à tous sur Fadjet. Vous retrouverez dès demain cette émission en podcast sur Fadjet.net et les plateformes radio ainsi que sur Facebook dans notre groupe Music Live by Yo on Fadjet. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, bon concert à tous, la bise, et on se retrouve très bientôt. Ciao !